Dans sa valse avec la crise, il se lève le matin. Gaston aimerait bien qu'on lui tende la main. Il entend à la télé que les temps sont durs, qu'il devra travailler pour garder ses chaussures. Et dans les tabloïds, il voit son président qui montre ses montres payées par les petits gens. Une paire de lunettes qui vaut un mois de salaire. Protection en or pour les globes oculaires. Gaston est standardiste, payé une vraie misère. Les clients mécontents sur lui passent leur nerf. Restez calme, restez droit, lui ordonne son patron. Alors il ferme sa gueule en baissant le menton. Tous les envoyés chier, une bonne fois pour de bon. Ça il le ferait bien et dire merde au patron. Alors il regarde la photo sur le bureau. Et finalement se calme en voyant ses marmots. Une fois la nuit tombée, Gaston rentre chez lui. Sa maison est vide, il n'entend pas un bruit. Il écrit une lettre, ou plutôt quelques mots. Plie sa feuille en deux et signe au dos. Chérie, borde les enfants, embrasse-les de ma part. Fais-leur un sourire, ne montre pas tes larmes. Laisse encore cette nuit ce qu'il leur reste d'insouciance. Leur père est parti, il est mort en silence. Quelques années plus tard, j'ai croisé son fiston qui m'avait expliqué ce qu'a fait Gaston. Lui qui aurait voulu pouvoir changer d'air a fini sa vie en rubrique fait divers. OGM sans abri, chômage, guerre et profit. Vivement le jour où tout cela sera fini. Ouais, le monde y va mal, ils sont complètement fous. Mais une seule chose est sûre, ça changera pas sans nous. Mais une seule chose est sûre, ça changera pas sans vous.